Yeah, N-N-A-D-D-N-E 5-9-9-5 blasphème prod. Yeah, ok, tu sais, ma vie c'est comme un échiquier sans pion. Je n'ai que le sans plomb, mais je reste le champion. Mais reste à l'écoute, fais pas le fou, on s'en bat les couilles. Crains pas les coups, ferme les portes de la haine. Si on s'en battra les couilles, même avec ta casquette, moi je reste élégant. Le crime est parfait, c'est à la cagoule élégant. Coup de boule, coup de cross, moi je suis pas une tasse P. Coup de bol, je suis une boss, même sur une phase B. Tu sais c'est quoi les balles, tu sais c'est quoi les billets. Aujourd'hui pour faire du sale, faut déposer les billets. Ouais, je me répète, mais ça je l'ai pas assez dit. Si t'as pas une, tu n'empoches, va pointer aux acédiques. À force de pousser la fonte, tu sais que les pécaries. Je me fume la bécane et je me tue à la mécanique. Démarre en wing, non, j'ai 6R1000. On sait quand ça commence, mais jamais comment ça se termine. Tu sais c'est quoi les bails, tu sais c'est quoi les billets. Aujourd'hui pour faire du sale, faut déposer les billets. Tu sais c'est quoi les bails, tu sais c'est quoi les billets. Aujourd'hui pour faire du sale, faut déposer les billets. Ouais, toi j'ai pas le time, quand je kick c'est la patate. Arrête pas les tas de pute, je gratte un saut mort de plus. Ça pue la rue comme les odeurs de pisse. Et ceux qui veulent péter un Porsche avec l'argent de la poudreuse. Y'a plus de morale, quitte à se faire sucer par une pouilleuse. J'ai la rune qui aime dépouiller, faut que ta France y'a que des porcs et des poulets. J'ai un buzz à pousser, si je comptais pouffer avec l'argent de ce putain de rap, alors qu'il est, je pèserais le poids d'un déporté. C'est D-N-E-N-A-D, ça parle de bif et que je baffe les bites. Depuis que la haine m'a dit on marche à deux, c'est marche ou crève, il va quatre pattes, c'est pour les clebs. Moi je kiffe pas leur move, je me fonds pas dans le moule. Pas de baggy, si c'est des Air Max et des Levi's Strauss, je fais monter le stress. Mets les dans ton Hugues Destras, y'a de la place. J'arrache la basse et elle tabasse. Un pas sourdi, la zig, je te dis que je suis pas sûr d'elle. Même si la concurrence a pas le level, qu'elle arrive plus à se relever quand je la leverai. D-N-E-N-A-D, en direct du 5-9. Trois quarts boîte dans le coffre parce qu'on a pété le buzz. Major, tu fais le fou, faire un deck à tes dents. Va te pendre dans le trou et te bats la frais de sang. Tu sais c'est quoi les bails, tu sais c'est quoi les billets. Aujourd'hui pour faire du sale, faut déposer les billets. Tu sais c'est quoi les bails, tu sais c'est quoi les billets. Aujourd'hui pour faire du sale, faut déposer les billets. Au fort d'appareil, c'est comme à Bagdad. Les comités fadad, détenus innocents comme au Maradad. Ça part en cool bad, ça vient du ghetto où ça pue. Ça fouette comme dans les rues de Soweto. Fusil à métaux, peu escobar. Bloc par bloc, j'débloque mec des bars et des bars. Ça va barder, bombarder. Trille des bardeurs, 3, 5, 7 dans mon bombardier. Gire, appelle les stars et les brancardiers. Les armes et des munitions pour mes frères sortis du QG. Entre les fous et les flingues, les tox et les strings, les chats et les strings. Plus de bonnes en métro de baltrin. J'ai ouin, ça mange pas les gens qui paratinent. Qui te parlent de gloire, ici bah y'a pas de paradis. Même si les euros te le font croire, on te dira que c'est classe de taper la. On veut ta CB et te voir taper ton code. On nourrit pas ses gosses en passant la frontière avec de la cam dans le cul. Mais pas avec l'argent de la CAF non plus. Je mets beaucoup de haine dans un rap où y'a beaucoup d'âmes. Ça vient des rues où y'a beaucoup d'âmes en peine. Et j'ai plus de temps à perdre. Si tu nous veux, appelle et paye. Appuie sur REC et je pose à vif, mon pote, j'ai rien de positif. Le monde du rap, c'est une carotte comme celui de la politique. Ce son, c'est pour les checks du 59 au 95. La face B est pliée, j'ai tout cartonné. L'impression que le public est cachetonné, zinc. Tu sais c'est quoi les bails, tu sais c'est quoi les billets. Aujourd'hui pour faire du sale, faut déposer les billets. Tu sais c'est quoi les bails, tu sais c'est quoi les billets. Aujourd'hui pour faire du sale, faut déposer les billets. Ouais, tu sais c'est quoi les bails, tu sais c'est quoi les billets. Aujourd'hui pour faire du sale, faut déposer les billets. Tu sais c'est quoi les bails, tu sais c'est quoi les billets. Aujourd'hui pour faire du sale, faut déposer les billets. Ouais.